Amis golfeurs, l'Intermarché Flore à la chance de Saint-Prime vous invite à profiter de ses spécialités sur le grill afin d'agrémenter votre 19e trou. Dégustez nos 10 variétés de succulentes saucisses préparées en magasin. Régalez-vous de nos exquises rosettes de saumon farcies au fromage et aux crevettes. Ou encore, tous les vendredis, expérimentez nos réputées savoureuses côtes de dos cuites sur place. Pour un après-golf réussi, pensez l'Intermarché Flore à la chance de Saint-Prime qui profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente saison. On va parler de football avec notre ami Serge Bouchard des Faucons des Portes du Nord qui débutent leur saison en fin de semaine. Et quoi qu'il en soit, on va demander quel genre d'équipe qu'ils vont avoir. Salut Serge! Salut. Serge, passez un bel été? Oui. Oui, ok. Serge, si on parlait un peu de l'équipe cette année, d'abord, est-ce que vous avez eu, c'est toujours le même problème dans les petits marchés, est-ce que vous avez eu de la misère à trouver des joueurs de football? La misère, je te dirais que non, dans le sens que là, on est parti de la ligue de football à 8 joueurs, ce qui nous favorise dans le sens qu'on a un petit bassin, donc c'est ce qui nous permet de continuer à faire du football présentement, parce que c'est ça, on a de moins en moins d'élèves dans l'école. Donc, pour le football 8 contre 8, là, pour cet automne, je vais avoir environ une trentaine de joueurs, mais quand on dit que c'est une trentaine de joueurs, c'est secondaire 3, 4 et 5 ensemble. OK, OK. Parce qu'on parlait avec François Laberge du Cégep de Jonquière, parce que je fais toujours, cette année, j'ai fait un petit peu le tour des joueurs qui, de Doug Boom, Stassini, de Saint-Félicien, de Robert-Val et Chupogamo qui faisaient partie du Cégep. Puis il me disait qu'on va avoir qu'il y a un problème à Jonquière parce que, justement, il n'y a pas de ligue scolaire, il n'y a pas et ainsi de suite. Donc, ils ont redémarré la ligue cette année à 3 équipes parce que, justement, on avait un problème de ce côté-là. Ah ben, pour le Cégep de Jonquière, à un moment donné, ils se sont rendus compte, comme cette année, je pense que c'était la première année où il n'y avait aucun joueur de Jonquière dans l'équipe du Cégep de Jonquière. Donc, ou l'an passé, en tout cas. C'est sûr que là, à un moment donné, eux autres, ils doivent essayer de développer là, leur bassin aussi. Puis, à quelque part, c'est comme un peu anormal qu'il n'y ait pas de football à Jonquière au niveau scolaire. Mmh. Donc, présentement, ce qu'on essaie de refaire, c'est de repartir une ligue de football à 8. Là, eux autres, ils utilisent les trois polyvalents du secteur Jonquière, là, Poly-Jonquière, polyvalente du Mégane, polyvalente d'Arvidor pour réussir à faire une équipe de football. C'est une dérogation là, qu'ils ont pour un an au RSEQ, puis ça se demande à chaque année s'il y a possibilité. L'objectif pour eux, c'est bien sûr de pouvoir avoir une équipe dans chacune des écoles. Mais quand tu redémarres un programme comme ça, c'est mieux d'être un peu plus prudent. C'est ce qu'ils font présentement. Là. Et tranquillement, pas vite, je pense que d'ici 2 ou 3 ans, ça serait bien qu'il y ait une équipe par école secondaire dans la ville de Jonquière, puis ça produirait un beau bassin aussi pour les gagnants. C'est quand même spécial, pareil, quand tu regardes ça, Serge, que le football qui était tant populaire, puis c'est encore populaire, là, il y a bien des... Tu sais, c'est rien que dans la région, dans le fond, qu'on a de la misère comme ça, c'est assez spécial, hein? Ouais, c'est spécial, mais en même temps, il faut toujours... Le football, c'est un sport qui est complexe. C'est énormément de coûts d'investissement au niveau des équipements. Ça coûte très cher. Un casque, là, tu n'as pas en bas de 200$. Donc, pour les directions d'école, à un moment donné, ils sont très prudents par rapport à ça. Là aussi, qu'il faut, ça te prend des entraîneurs qualifiés. Parce que quand tu n'as pas d'entraîneur qui connaît ça, les jeunes ne resteront pas longtemps. Ils vont aller vers autre chose rapidement. Ensuite, il y a aussi dans les deux dernières années, tout ce qui est les problématiques de commotion cérébrale, la publicité un peu. Ouais, c'est surtout ça, j'ai l'impression, hein? Ben, c'est ça. C'est que ça freine l'ardeur de certains parents, de certaines directions d'école aussi. J'ai l'impression qu'on a vraiment atteint là, au cours de la dernière année, les deux dernières années, vraiment le creux de la vague. Là, je pense que ça va repartir tranquillement. C'est des cycles. Puis je pense que ça va repartir tranquillement. Mais il faut juste être prudent dans chacun des endroits. C'est de vraiment analyser les bassins, de voir les possibilités. Parce que, tu sais, comme on a déjà parlé un peu, c'est pas normal qu'à Delbeau, il n'y ait pas de football juvénile, comme c'est pas normal que, tu sais, c'est des choses comme ça. Mais c'est juste une question, à un moment donné, de structure, de bassin. D'être dans la bonne ligue, dans le bon endroit. Mmh. moi, je dis que facilement, là, si on garde ça comme ça, dans la région, il pourra avoir facilement 5 à 6 équipes de juvéniles à 8 pour commencer, pour à un moment donné, dans quelques années, revenir là, peut-être avec du 12, mais pour l'instant, il faut être prudent à ce niveau-là. Comme ça, du Ligue Abidjouan? Ben, c'est différent. Je te dirais que étrangement, ça résout un des problèmes que plusieurs équipes ont, c'est le manque de joueurs de ligne. On dirait que les jeunes maintenant sont moins grands, gros. On parle beaucoup d'obésité, puis les gens sont de moins en moins types, mais en tout cas, j'ai l'impression que dans nos au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est quand même une région qui est vraiment sportive. Donc, moi, je trouve que dans les équipes, souvent, c'est ce qui manque. Quand on fait du football à 12, souvent, notre quatrième, notre cinquième joueur de ligne offensif, il n'y a pas tout à fait le gabarit d'un joueur de ligne offensif, et ainsi de suite. Puis, tandis que du football à 8, tu en as besoin de 3. Donc, souvent, tu as 3 vrais joueurs de ligne offensif. Même chose à la défensive pour les joueurs de ligne. Je dirais que le jeu, j'ai l'impression qu'il y a plus de jeu à champ ouvert, de contact à champ ouvert. Moins d'obstacles sur le terrain au lieu d'être 24 et 16. Le terrain est réduit, bien sûr. Mais je te dirais que c'est différent. C'est sûr que pour un entraîneur, au niveau stratégique, c'est beaucoup moins complexe à 8 contre 8. Il y a moins de possibilités. C'est un moins grand défi. Ouais. À 12 contre 12, là tu as plusieurs variations de système défensif, offensif. À 8, tu es restreint. Mais je me dis, pour une initiation, pour une introduction des joueurs, puis à un moment donné, les joueurs viennent qu'à comprendre les systèmes. Puis après ça, ben, quand si tu as à transférer en 12 contre 12, le changement se fait quand même bien. OK. Mais je dirais que c'est bien. Moi, à chaque année, je vais à Québec là, jouer contre d'autres équipes, Sherbrooke, Québec, tout ça. Puis c'est du bon calibre, puis c'est du beau jeu. C'est agréable. OK. Si on y allait maintenant, quel genre d'équipe que vous allez avoir? C'est sûr qu'il y a 3 équipes, parce que c'est 3 équipes, c'est ça? Oui, 3 équipes. Donc, il y a une semaine sur 2 que vous ne jouez pas? Oui, c'est ça. En gros, là, on a 4 matchs de saison régulière pour chacune des équipes. Il y a l'équipe de Charles Gravel, il y a le regroupement des écoles de Jonquière. Moi, mon genre d'équipe, ben, l'an passé, nous, il n'y avait pas de juvénile. Il y a des joueurs là, qui n'ont pas joué l'automne passé, tout comme les deux autres équipes, là, même Charles Gravel l'an passé, n'ont pas joué parce qu'ils étaient inscrits dans la Ligue de Québec et ont déclaré forfait en début de saison. Donc, ça va être une ligue, c'est une ligue qui va être en restructuration. On essaie de repartir cette ligue-là. Donc, on a des joueurs, je dirais, moyennement expérimentés, qui ont joué cadet, qui ont arrêté un an parce qu'il n'y avait pas de football qui leur était offert, qui veulent recommencer. Donc, mais globalement, moi, j'ai quand même un bon bassin, on dirait, de 28 à 30 joueurs. OK. Bien pour du football à 8. Je pense qu'on devrait avoir une équipe qui va progresser plus tout au long de la saison parce que présentement, là, on va commettre, selon moi, là, quelques erreurs là, de stratégie, de positionnement, parce que c'est ça, les gars manquent d'expérience, mais c'est des gars qui apprennent, qui veulent apprendre. Donc, je pense que globalement, plus la saison va avancer, là, si on évite les blessures, on devrait être de plus en plus performant. OK. Donc, c'est ça. Peut-être du côté faiblesse, c'est quoi? Tu aimerais mieux travailler? Ben, du côté, faiblesse, c'est moi, je pense que c'est beaucoup les couvertures sur la passe. Okay. C'est complexe. À 8 contre 8, là, il y a beaucoup de homme à homme qui jouent. Si tu échappes ton joueur, souvent, ça va résulter par un petit. Puis on sait, à 8 contre 8, là, c'est rarement des parties de 14-7. Là. Ça finit souvent en haut des 40 pour des équipes. Là. C'est 54 à 42. Puis c'est très offensif comme jeu. C'est très joueur. OK. Donc, c'est le premier match en fin de semaine à l'extérieur? À Charles Gravel. OK. Fait qu'on se reparle le jeudi prochain pour connaître un peu le résultat et comment ça s'est produit. Oui. OK. Merci, donc, voilà. Donc, l'instructeur-chef des Faucons, des Portes du Nord, Serge Bouchard.